Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va faire un petit détour vers la politique pour parler de la légalisation de la consommation du cannabis à des fins récréatives. Alors cette légalisation est souhaitée par les uns, appréhendée par les autres. Certains craignent qu'elle n'encourage la consommation, d'autres disent le contraire. Alors le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse a tenté d'y voir plus clair et le détecteur en fait est plutôt une détectrice puisqu'il s'agit d'Ève Baudin et elle est au téléphone avec nous. Bonjour Ève. Oui, bonjour Valérie. Alors Ève, en janvier, on s'était parlé déjà, vous aviez présenté ce projet de détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse, mais je pense que ça vaudrait le coup de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots brièvement? Oui, en fait, c'est un poste de journaliste qui s'attaque aux fausses nouvelles et aux rumeurs qui peuvent circuler. Donc, on s'intéresse à fausses nouvelles, à information erronée, exagération. Et évidemment, puisqu'on est une agence de presse scientifique, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui touche la science, bien entendu. Oui, puis de décortiquer cette rumeur pour voir quels sont les fondements, ce qui est plausible ou ce qui est faux, oui. Ce qui est bon. D'accord. Donc dernièrement, vous avez mis le détecteur en marche à propos de la loi visant la légalisation de la consommation du cannabis. Alors, dans ce cas-là, quelle était la rumeur ou le mythe que vous avez voulu lever? Ben déjà, je peux vous dire que c'était le premier des mythes et rumeurs auxquels on s'attaquait parce qu'il y en aura bien d'autres qui vont suivre. Dans le cadre de la consommation du cannabis, j'entends, parce que des mythes, il y en a déjà eu pas mal que vous avez relevés. Oui, toujours effectivement sur le cannabis, ça finira par être un dossier certainement parce que il y en a beaucoup qui circulent. Mais le premier texte qu'on a fait à ce sujet-là, on cherchait à savoir si c'était vrai que la légalisation du cannabis à des fins récréatives pouvait mener à une augmentation de la consommation, puis particulièrement chez les jeunes, parce que c'est surtout ça qui inquiète les gens. Mm-hmm. Et c'est surtout ça qui revenait dans les médias, de dire finalement, une fois que ce sera légalisé, ben ça va augmenter la consommation. Et on a cherché à savoir si c'était fondé, en fait, cette idée reçue-là qu'on avait. Et on fait comment pour ça? Parce qu'on ne peut pas faire l'expérience ici. Tant qu'on n'a pas mis en marche cette légalisation, on ne peut pas le savoir. Donc, on fait comment pour vérifier ça? Ben effectivement, on peut pas le faire ici parce que bon, déjà, on sait que cette drogue-là, elle est consommée même si elle est illégale quand même au Canada. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que justement à post-légalisation, est-ce que ça augmente? Donc évidemment, pour ça, il faut se tourner du côté des États-Unis parce que là-bas, il y a des données disponibles dans les États qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives assez récemment. Donc par exemple, l'État de Washington et l'État du Colorado, tous ces deux États-là en fait ont légalisé le cannabis à des fins récréatives en 2012 et puis ont autorisé la vente au détail en 2014. Et donc, finalement, c'est en comparant les données disponibles avant la légalisation et après la légalisation dans ces deux états-là qu'on arrive à un constat assez clair. La consommation de cannabis chez les adolescents est demeurée stable, mais on a quand même remarqué qu'il y avait une légère augmentation chez les 18 à 25 ans. Donc, a priori, différentes instances comme de santé publique, comme la Direction de santé publique, notamment, mais l'Association aussi de santé publique du Québec, arrive à la conclusion, finalement, que c'est relativement rassurant. Mm-hmm. C'est des données qui sont quand même relativement récentes, parce qu'on parle pré-2012 à des données qui datent de 2016. Oui. Mais pour l'instant, là, ça ne semble pas avoir influencé. Il n'y a pas une flambée de la consommation? Non, pas d'accord. Du tout. Mais est-ce qu'en fait, il y a une légalisation, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a eu une certaine réglementation quand même pour consommer, pour contrôler cette consommation et justement empêcher une telle flambée? Oui, puis ça, c'est important de le dire parce que le cadre législatif, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant au niveau de la consommation. Parce qu'évidemment, on pourrait penser que si soudainement, on rend une drogue qui était autrefois illégale, légale, et que du même coup, on permet, par exemple, la promotion du cannabis, si on permet aux jeunes d'en acheter, aux mineurs d'en acheter, mais là, ça pourrait définitivement influencer, puis avoir un impact, puis augmenter la consommation chez les jeunes. Donc, si on regarde du côté du Colorado, de l'État de Washington, il y a un âge minimal, 21 ans et plus, il y a aussi sortes de réglementations. On peut pas consommer en public. Le marketing est interdit. Donc, tout ça va beaucoup, beaucoup influencer la consommation chez les jeunes notamment, mais dans la population générale aussi. Mm-hmm. Parce que si on permet, encore une fois, une légalisation et une promotion de la substance, bien, on peut avoir des consommations aussi élevées qu'en période de prohibition. Et c'est la raison pour laquelle les associations de santé publique disent, mais ce qu'il faut, c'est légaliser, mais avec des restrictions. Et c'est ça qui est important. Donc là, si je comprends bien ce que vous avez dit, en fait, la légalisation accompagnée de promotion, donc on va faire de la publicité, je sais pas, peut-être oui. comme la cigarette, finalement, il y a quelques années. Oui, à ce moment-là, on va avoir une augmentation, en tout cas un niveau de consommation qui pourrait être équivalent à celui qu'on a en temps de prohibition, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. D'accord. Mm-hmm. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver entre les deux. Donc, on met fin à la prohibition, on légalise, mais ça veut dire qu'on ne laisse pas aller n'importe comment, on n'en fait pas la promotion et on met des balises. Les balises sont tout à fait, c'est exactement ça. Les balises sont très importantes parce qu'en fait, il y a différents facteurs là, qui peuvent influencer la demande et la consommation du cannabis, que ce soit légal ou non. Donc, par exemple, le prix, l'accessibilité, la perception du risque qui est associé à la substance. Donc, tout ça, ça peut influencer la consommation et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, toujours selon les associations de santé publique puis les spécialistes dans le domaine de la prévention, vont dire on doit légaliser, mais mettre beaucoup, beaucoup de restrictions. Mm-hmm. Donc, par exemple, les balises, ça pourrait être on interdit la vente aux mineurs, on ouais. évite de banaliser l'usage du cannabis récréatif, on désigne des lieux de consommation spécifiques. Par exemple, on exclut les lieux de travail, évidemment, des milieux scolaires aussi. On applique ouais. des principes de précaution en matière de sécurité publique, par exemple, la sécurité routière notamment. Mm-hmm. Et aussi, on interdit le marketing. Et ça semblait, en tout cas dans les entrevues que j'ai fait avec différentes personnes, donc je parle du docteur Robert Moreau, qui est psychiatre et médecin conseil en médecine préventive à la Direction de santé publique de Montréal, puis aussi des gens de l'Association de santé publique du Québec. Tous les deux me disaient, ben écoutez, c'est vraiment important qu'il y ait une réglementation au niveau de la publicité, au niveau du marketing, pour éviter en fait que ceux qui font le marché du cannabis, mm-hmm. cible les jeunes. Oui. Ça pourrait être dangereux. Ça semblait vraiment préoccuper, encore une fois, ouais. les intervenants. Mm-hmm. Alors, on recommande que le marketing soit interdit. Là, je parle de produits dérivés, de t-shirts. On parle aussi d'emballage. Hein, on parle d'emballage qui soit standardisé, ah, oui. standardisé, très neutre, d'étiquetage avec des mises en garde, par exemple. On parle aussi d'éviter le cannabis avec des saveurs. Ou aussi, par exemple, d'éviter de favoriser un prix plus bas pour les produits qui contiennent moins de THC, puis des prix beaucoup plus mm-hmm. élevés pour ceux qui contiennent plus de THC. Parce que tout ça, en fait, va faire en sorte, fait partie, en fait, des restrictions qui peuvent influencer la consommation par la suite à la légalisation. Ouais. Et puis, en fait, est-ce que le plus grand danger, est-ce qu'il ne viendrait pas de la banalisation des risques qui seraient causés par la consommation? Donc, ce ne serait pas juste, le cannabis est facilement accessible, mais si on banalise les risques, on va d'autant plus aller vers cette consommation. Alors que si on est au courant des risques, on va peut-être se freiner aussi par nous-mêmes. Oui, effectivement. Puis bon, c'est ce que les différentes associations espèrent, en fait, que les revenus générés par les taxes soient réinvestis justement en prévention, mm-hmm. en promotion de la santé, puis en protection des citoyens. En fait, pour qu'on puisse aussi aviser les gens, comme on le fait maintenant avec l'alcool, des méfaits reliés à la consommation, particulièrement chez les jeunes, mais aussi chez la population générale. Donc, faire attention en termes de conduite automobile, de consommation par exemple au travail. Donc il y a différents aspects qui devront être déployés au niveau de la prévention et du message d'intérêt public pour vraiment justement ne pas banaliser la consommation du cannabis, mais aussi pour aviser les gens des méfaits reliés ouais. à cette consommation là. Oui, c'est ça. Très donc important. Ouais, c'est ça. Donc légaliser, mais aussi prévenir et informer de tous les méfaits. Peut-être qu'on n'est pas au courant, non plus qu'on n'a pas qu'on n'a peut-être pas non plus toutes les données scientifiques pour bien connaître les méfaits de la consommation du cannabis. Peut-être qu'il y a d'ailleurs encore des recherches à faire là-dessus, d'ailleurs. Il y a certainement des recherches à faire là-dessus parce que, en fait, jusqu'à maintenant, pour les médecins chercheurs, c'était relativement difficile de faire des études sur le cannabis puisque c'était une substance illégale. On espère, en fait, que les revenus pourront servir, entre autres, à la recherche pour pouvoir mieux comprendre les méfaits, les impacts sur le cerveau, les impacts sur la santé. Oui, effectivement, ça devra... On espère qu'il y aura effectivement de l'argent investi là-dedans pour qu'on comprenne mieux les impacts de la consommation du cannabis, certainement. Eh bien, merci beaucoup, Ève Baudin, pour ces éclaircissements. Donc, je rappelle, Ève, que vous remplissez la fonction de détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse et qu'on peut lire vos textes, d'ailleurs, y compris celui sur le cannabis, mais plein d'autres, sur le site de l'agence Science Presse. Voilà. Alors, puis peut-être, donc j'ai cru comprendre qu'il y aurait une suite, donc il y aurait d'autres rumeurs concernant la consommation du cannabis qui seraient élucidées dans les très semaines bientôt. Ou mois à venir. Donc j'invite tous nos auditeurs à suivre de plus près ce dossier. Merci beaucoup, Ève. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Donc on va faire une pause publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle de convergence évolutive avec le biologiste Cyril Barrette.